Nous sommes sortis silencieux. On a fait tout un trajet là. Personne n'arrive à parler à personne. C'est-à-dire, chacun avait son expérience, mais il ne savait pas comment aborder ça. Il s'est dit, peut-être si je le dis, on a fait tout un trajet. Comme il est doux agréable au frère de demeurer ensemble. Donc, après qu'ils sont sortis ensemble. Vous voyez, des fois, l'ancien monde, c'est bon. Amen. Ah, on a qui chidadin, qui quinoa. Et vous, y a plutôt bimi kaka bongo disparate. Et là, vous sortez à l'équipe française. En train de parler des choses du Seigneur, encore, disant gloire à Dieu. Mais quand t'as fait là? Alors quand les gens du quartier, ah, ma frère Abraham, Babini. On nous reconnaissait comme ça, les frères de Branham. L'église de la banque de Syrie. Mais Bazarka, vous qu'est? Alors, nous passons. Après tout ce trajet, le premier frère a eu le courage. Il a dit, oh non, la présence du Seigneur était particulière aujourd'hui. Et on a dit tous, c'était quoi? J'ai vu. Il est là. Ah ben, que vous reveniez à ça. Alléluia. Est-ce que possible à qui ça? Vous pensez que vous êtes croyant à la scène? Vous êtes à la scène? Non, pas qu'une Cécile. $3 combien? Litre à Kébila Balobini, il est combien? Voyez. Vous terminez le kill, regardez là où vous allez. Quand vous regardez, vous gardez le sacré, le surnaturel, et le neuf comporte. Il faut qu'on l'engue l'ango. Amen. Et il va vous faire encore des bonnes choses. Tokeiti. Ne voyez pas comme. Ah, toi qui as été, toi qui as fait le pari, toi qui as prié. Amen. Et bon, tout ce qui est dominé, que Dieu te garde, nous nous préparons. L'autre encore a dit, on a l'impôt de prière. Vous voyez là, les frères à l'ancien mode. Mais quels sommes-nous devenus maintenant? Trop affairés. Et même individualistes. Des égoïstes. Nous devons changer. Revenons à l'ancien monde. Et vous verrez les merveilles de Dieu se multiplier. Il dit ceci, frère. Oh. Il dit. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui ont commencé ici en bas. Pour le perfectionnement des saints, il dit, en vue de l'œuvre du ministère. Il s'arrête encore en lisant l'œuvre du ministère. Commentaire en parenthèse. Il dit, le ministère de Jésus-Christ. C'est de ce ministère-là qu'il s'agit, là au verset 13. Le ministère de Jésus-Christ. De l'édification du corps de Christ. De l'édification. La construction. L'édification. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ à l'état d'homme fin, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tous nous devons y parvenir. Dis-moi aussi. Robin gagne paix, n'a paix. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne personne malade de la liste? Vous pouvez le voler. Il y a un Dieu qui m'a fait grâce. Vous avez d'abord entendu le nom de Dieu. Pour entendre l'évangile premier au temps. Pour entendre le message biblique, le soleil. Celui là qui a commencé l'œuvre. J'ai confiance. S'il l'achèvera. Advienne que pourra. Que Satan vous sanège. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Dieu m'y sera pardonné. Amen. Moi, j'ai confiance. Mais maintenant, comment parvenir à l'unité de la foi? Si cette église pour laquelle Dieu dit ces choses est passée par un temps de destruction de la foi, comment parvenir à l'unité de la foi? Alors que déjà quelques siècles à peine, après que l'église ait commencé, nous voyons dans Jude au chapitre 1, la Bible dit que c'est quoi? J'ai été fort réjoui. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en train de lire dans Jean. Jude chapitre 1, le verset 3. Bien aimé, voilà. Alors que je désirais vivement vous écrire. Au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. Pourquoi fallait-il combattre déjà? Parce que Jude était un prophète, mais un prophète mineur de Ephésiens 4:11. Il devait être prophète messager de l'âge. Il avait le ministère d'un prophète, mais un prophète mineur. Je ne l'ai dit pas de moi-même, c'est écrit dans les actes des apôtres. Jude et Sila, qui eux-mêmes étaient des prophètes. Il exhorte les croyants. Parce que dans les attributions d'un prophète, il y a la tâche d'exhortation. Il y a celle de l'instruction. Et de l'affermissement. Et il y a aussi la révélation des secrets de Dieu. Il y a des visions. C'est une diversité dans le Jude ici exhorte. Il exhorte. Il exhorte à combattre pour la foi. Pourquoi c'était devenu un combat? À peine quelques siècles, l'enfant n'était même pas encore arrivé. Mais il vous exhorte à combattre pour la foi qui était transmise. Pour ça, il faut pour tout. Pourquoi c'est devenu un combat? Parce qu'il y avait des gens qui tombaient déjà de la foi. Qui s'éloignaient. Que Dieu ait pitié de nous. Déjà en ce temps-là, il y en avait. Ok. Dans 2 Timothée chapitre 2. Il dit ceci, verset 16 à 18. Regardez l'illustration du problème qui avait surgi là. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont hyménées et filets. Qui se sont détournés de la vérité. Disant que la résurrection est déjà arrivée. Et qui renverse la foi de quelques-uns. La foi au lieu de rester debout, en bonne position. Mais il y a des individus de prédicateurs. C'était des frères. Mais qui se sont détournés de la vérité. Ils étaient dans l'église. Il l'église. Mais ils ont commencé à raconter des histoires. Comme quoi, notre génération a déjà eu lieu. Vous laissez le programme de Dieu. Alors que jusqu'à présent, cette résurrection dont eux parlaient là, n'a pas encore eu lieu. Donc, aujourd'hui, nous savons qu'on a des centaines et des centaines d'années plus tard, nous continuons à attendre cette événement. Au premier siècle, on ne doit pas les croyants. On ne doit pas les frères, on ne doit pas les frères. Oh, la résurrection, oh, on ne doit pas les frères. Et c'est Salema. Et ceux qui commençaient à croire ces théories étaient avec leur foi renversée. Et Jésus l'exhorte à combattre pour la foi. Attends, à quoi ici, Bunda, relève-toi. Amen. Ne reste pas sous le coup de l'ennemi. Dieu te veut vainqueur. Relève-toi très vite. Ne traîne pas dans le péché. Oui, mais la peine nous sort de là aussi. Prends des mesures. Abraham dit que des mesures doivent être prises contre le péché. Des mesures doivent être prises. Et voilà les gens qui sont tombés. Et maintenant, Paul. Ça, c'est Paul. Dans des congés 13 ici. Il dit ce verset 8. Non, je prends le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Ami. À moins que vous soyez désapprouvé, en d'autres termes, êtes-vous là? Mais comment allons-nous parvenir à l'unité de la foi? Avec des faits pareils, dans l'église, où on doit nous questionner, on doit s'examiner, voir s'il est dans la foi. Et nous sommes au premier âge de l'église. Nous sommes qu'au premier siècle jusqu'à. Mais déjà des maladies graves pareilles, dans l'église. Et Jésus-Christ lui-même, dans Luc 18, pose la question précédente. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question est pertinente. Comment allons-nous atteindre l'objectif de Dieu? Qui est-ce que lui? Il peut parvenir à l'unité de la foi. Mais lui-même Jésus-Christ pose la question. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question reste posée. Et en même temps, il y a une prophétie concernant les bénéjours. Dans 2 Timothée chapitre 3. Il est dit au verset 1 d'abord. Parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous y voilà. Ça s'accomplit déjà. N'est-ce pas vrai? Il est dit, comment seront les hommes? Car les hommes seront, je saute, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont la forme, l'apparence, la piété. Mais ils réunissent ce qui en fait la force. Verset 8. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même cet homme s'oppose à la vérité. Comment parviendrons-nous à l'unité de la foi? Dans l'église, dans les milieux religieux et chrétiens, c'est l'œuvre des hommes pareils qui s'opposent à la vérité. Serons-nous avec nous dans l'unité de la foi? Mes préoccupations épistolaires sont bibliques. Pour vous amener à méditer en profondeur et dire que Dieu ne délaisse jamais sa parole. Dieu ne délaisse pas son peuple. Il a promis de marcher lui-même au milieu. Il a promis d'habiter au milieu. Et nous sommes le peuple de Dieu vivant. Nous démarquons par le sang répandu à la croix pour nos péchés. Nous lui appartenons. C'est vrai, non? Il a dit ça. De même que bien espérés s'opposèrent à Moïse, même ces hommes s'opposent à la vérité. Dans les derniers jours, c'est ce qui est prévu. La situation sera vécue. Étant corrompu d'entendement et réprouvé en ce qui concerne la foi. Notez que Frère Branham dit ici en commentaire. On ne dit pas qu'ils sont réprouvés en ce qui concerne leur vie. Il dit que ce sont des gens bien. On ne dit pas qu'ils seraient réprouvés en ce qui concerne la justice. Mais en ce qui concerne la foi. Alors prenez cette question au sérieux. Ils peuvent paraître juste, paraître faire des choses justes, faire des miracles et des croyants, mais des choses comme ça. Mais en matière de la foi, déjà prouvé. Leur foi n'est pas agréable à Dieu qui suscite la foi. Dieu ne reconnaît pas leur foi. Mais pourtant, ils peuvent paraître justes. Avoir l'apparence de la piété. Lisons un peu Frère Branham. Avec ces questions et préoccupations bibliques. Que Dieu nous aide. Dans la prédication de la guérison. Du 4 septembre 1953. Le paragraphe 33, première partie. La guérison. C'est une prière. Bien aimé Père Céleste, nous apportons ce mouchoir ce soir. Ils sont destinés aux malades et aux nécessités. Et Dieu bien aimé, nous savons que tu connais tous les besoins. Et maintenant, alors que tu fais ce regard sur nous, regardons pour voir le degré de foi que tu pourras trouver, le degré de foi que tu pourras trouver. Nous avons entendu Jésus demander s'il trouvera la foi lorsqu'il reviendra. N'est-ce pas vous aussi? N'avez-vous pas entendu Élie cela? Il n'a pas demandé s'il trouvera des églises ou la justice, ou des docteurs. Mais il a dit, trouverai-je la foi? Oh Dieu, quelle chose glorieuse! La foi. Alors l'apôtre Paul a raison. Il dit, examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Et ceci s'adresse à chaque auditeur individuellement. Mon frère, ma soeur, ne sois pas superficiel. Ne dis pas que ça va de soi. Rentre à toi-même, maintenant. Es-tu réellement dans la foi? Si c'est oui, est-ce que ta foi est agréée de Dieu? Frère Branham dit ceci. Si vous dites que vous croyez, vous chrétiens, que Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu n'a pas encore agréé vous. Il ne la reconnaît pas. Jusque là, c'est toi qui dis de toi-même que tu crois. Combien sont-ils nécessiteux de la foi ici? Ne voyez-vous pas que c'est la grande majorité? Nous nous considérons abusivement comme des croyants. C'est celui qui donne la foi ne reconnaît pas votre foi. Car si on respecte la communauté, quel genre de croyant êtes-vous? Vous êtes des crayons. Vous écrivez des choses et vous faites des choses qui se passent. Ça ne durera pas éternellement. Mais quand vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous il n'y aura plus de traces. Plus rien. Comment vous êtes vous la bunda. Alors rentrez à vous-même. Éprouvez-vous. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Si réellement vous êtes dans la foi, bien sûr, vous doit reconnaître la foi. Dans le Seigneur, et il la reconnaît quand il vous donne le Saint-Esprit. Et le maintient en vous. Le fait demeurer en vous. Tant que tu n'as pas ça, mon ami, homme-femme, tu n'es pas encore dans la foi. Tu lis encore pour avoir la foi. Alors tu es bénéficiaire de l'exhortation du prophète Jude. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein. Est-ce que cette foi-là irrite viennent aussi en toi. Et il y a parviennent à ton âme aussi. Et comment que Dieu te fasse cette grâce. Mon ami, tu dois combattre pour ça. Ne commence pas comme ce qui s'est mis là. Ami, il y a ce plein. Non. Tu dois combattre pour ça. Fais le constat d'observation que je n'ai pas cette foi. Je prétends l'être. Je ne l'ai pas. Mais je dois aller à Christ qui l'adore. Il est celui à qui sont destinées mes prières. Il est celui à qui s'adresse toutes mes prières. Mais si tu gagnes mes jeunes, c'est à lui et pour lui. Et pas une aille, pas une j'irai à lui. Mais qu'on ne pas une aille. Oh, j'ai tort quand je me prétends, toujours grand chrétien. Je regrette étant toujours fidèle. Je dirai à tout pécheur d'aller auprès de Christ. À chaque cas de tentation de vain. Oh Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Oh Seigneur, sauve-moi. Je suis acculé. Mais je me confie en toi seul qui sauve. Oh oui, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Je suis tellement attaqué. Seigneur, sauve-moi. Je suis acquillé, mais jamais confie en toi. Confie-toi en lui, ça. Je vais lire encore Frère Branham. La préoccupation est fondamentale. Dans la prédication, la seule vraie église vivante. Prêchée le 27 juillet 1951. C'est encore une prière au tout premier paragraphe. Je vais le monde Toi aussi prie. Avec la conscience réalise. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir. C'est que nous pouvons chanter cela du fond de nos cœurs. Seigneur, je crois. Et comme le Père qui avait un fils épileptique a dit, il y a des années, il y a au secours de mon incrédulité. Il y a un capé de consommation. Nous entendons cette question qui a été posée un jour. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Et il n'a jamais demandé Qui ne trouvera la justice? Il se retrouvera des chrétiens. Mais plutôt, s'il trouvera la foi. Quand il reviendra, sachant que ce sera une chose que les gens auront abandonné. D'entendre aussi le Saint-Esprit déclarer que ce temps viendra dans les derniers jours. Les gens auront l'apparence de la paix, mais renieront la force. Le manque de foi. Et nous remercions ce soir, Seigneur, quand nous sentons dans nos cœurs que nous avons juste une petite foi. Mes petits vont prier sincèrement comme ça. Oui, comment il a. Mes petits vont imiter ce bon exemple ici. Au lieu de vous mettre en force d'être un grand croyant. Il paraît que vous l'avez fait. C'est moi. Il nous te remercions ce soir, Seigneur, car nous sentons dans nos cœurs que nous avons juste une petite foi. Donc si Jésus était physiquement ici devant nous, il nous traiterait comme autrefois des gens de paix de foi. Mais t'as accroqué qu'on s'en a mis le ma soeur, rentre à toi-même, fils. N'est-il pas ces gens de paix de foi? Ma bakou, pambala, pambala. Et le comogé, bêtis les bakou. Paix de foi. Courage à Koussam et les longues. Dans le programme, il y a plus de bénis. Toi, on a les longues, ils ont la de fusilité. Gens de paix de foi. Aide-nous, Seigneur. Afin que cette foi soit augmentée ce soir. Jusqu'à être si élevée. Si perdu dans l'abandon total à Christ. Et les grandes et puissantes œuvres seront manifestées. Quand la foi est d'abord remise au bon niveau. Mais comment allez-vous progresser? Déjà un croyant, un petit croyant devant vous donne un petit témoignage, vous doutez dans votre cœur. Ce qui m'a fait ça, que Dieu vienne au secours de ta femme. Que Dieu l'augmente. Que les chrétiens si élevés. Et tombe à Manicolo. Regardez, si nous prenons la prédication les joints du temps de la fin, ce qui est aujourd'hui, nous devons aller vite. Les joints du temps de la fin, prêché le 25 juillet 1960. Le paragraphe 129, première partie. Maintenant, juste je voudrais vérifier quelque chose. Ici. Je pense que j'ai bien noté cela. Je ne suis pas certain, mais je vais le dire. Et je vais le vérifier avant de le dire. Juste un instant maintenant. Réprouvez en ce qui concerne la vérité. Non, c'est pas écrit comme ça. De Timothée 3, verset 8, a dit quoi? Réprouvez en ce qui concerne la vérité. Non. En ce qui concerne la foi. La foi. Il n'y a qu'une foi. C'est vrai. Mais il y a plusieurs églises. Plusieurs assemblées. Il n'y a qu'une foi. Maintenant, il est annoncé dans Timothée 3, verset 8, c'est dans les derniers jours, nous les hommes auront la place rapide. Et renieront ce qui a fait la force. Et étant réprouvé, désapprouvé, en ce qui concerne la foi. Miséricorde. Maintenant, écoutez. Il y a quelle foi? Mais quand ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi, réprouvés. Vous êtes déclassé. Vous n'êtes même pas considéré. Alors il dit, maintenant je vais lire Luc 18. Juste une minute. Et il a pris le temps de lire. Je sors. Nous l'avons lu Luc 18 ici. Pour introduire la prédication. Nous avons dit le verset 6 à 8. Dit ceci. On parlera sans crainte. Voilà la question. C'est parce que c'est ce que je voulais en venir. Dans Apocalypse 10, alors que cela est posé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là la fin du verset 8. Dieu fera promptement justice à ses élus. C'est le jour et la nuit. Vous verrez la face sur la terre. Il dit, c'est là que je voulais en venir. Dans Apocalypse 10, vous faites le lien entre Luc 18 et la guerre que j'ai posée. Et le chapitre 10 d'Apocalypse. La pensée va sortir clairement. Ce n'est pas ça que vous avez le chapitre 10. Il y a une pensée sur laquelle vous avez pensé. Nous y arriverons dans quelques minutes. Avec un autre verset de l'Écriture. Il a dit, au jour du message du septième ange, le mystère de Dieu devrait être terminé. Et il bombe mine un jambe et c'est là qui est ici là. C'est quel verset du chapitre 10? Et allez me le montrer, il y a mon capitaine. Ce n'est pas chacun des versets individuellement. De la pensée, c'est celle qui est développée au verset 17. Qui dit dans les termes du prophète ici. Au jour du message du septième ange, le mystère de Dieu devrait être terminé. C'est celui qui est là. N'est-ce pas? Bon, voici la question. C'est celle-ci. Si vous suivez le même ordre d'idées, en cette heure, est-ce qu'il sera terminé? Le mystère là. Vous suivez le même ordre d'idées que dans Luc 18. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Akokuta kolumbuma na mukilio. Et si vous suivez le même ordre d'idées, c'est comme pour poser la question à partir d'Apocalypse 10, verset 7. Est-ce que le mystère de Dieu sera-t-il terminé? En ce temps, même ordre d'idées. Apocalypse 10, verset 7. Sera-t-il accompli à notre taille sur la terre? Le Fils de l'homme, qui est annoncé dans Luc 17, 30, et dont il a encore question dans Luc 18, est-il manifesté sur la terre? Amen. Amen. Amen. Est-ce que cela rétablira-t-il la foi? Amen. Et que Amen. Ce condiment? Le genre de foi que le Fils de l'homme révélait du ciel. Doit trouver dans l'église. Le lendemain condiment. Oh, il y a moins de besoin de couper dans l'eau là. À couper dans la cassette. L'église qui doit être enlevée. Et que le Seigneur ne par la foi. N'est-ce pas? Comme un homme qui a été enlevé par la foi. À notre moitié. N'est-ce pas? Dès que les gens auront abandonné la foi. Après que nous avons construit un condiment. 1 Timothée 4. Le Timothée 1 Bon Mouka. L'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines. Il y en a maintenant dans cette condition-là. Et plusieurs églises sont pleines de démons. Je répète, plusieurs églises sont remplies de démons. Qui prêchent même et sont les diacres des démons. Des démons dans la chair. Ils sont diables dans les églises. Prenez des chants. Pasteurs même. Prédicateurs. Mais des démons dans les églises. Plusieurs églises sont sous la domination du diable. Et les personnes ne savent pas comment ça n'a pas été abonné. Sortez du milieu d'eux. Sortez de là. Dis-moi là. Combien de pasteurs sont ça, on n'a pas dit dans le milieu du message. Sorciers. Même les enfants dans l'église. Même les femmes des croyants. Des croyants même de l'église. Sorciers. Au plan spirituel, vous avez besoin de la grâce de Dieu pour avoir les yeux de la foi. Plusieurs églises sont remplies de démons. Et les gens vont dans les églises et recevront les esprits des uns des autres. Ils se font contaminer par un tas de démons. Et qu'ils les trompent au plus haut niveau. Avec des fausses donations spirituelles. Des trompe-l'œil. Mais si nous suivons les mêmes signes d'idées, ce qui peut l'animer, on va commencer à l'éclairer aussi. En cet instant, est-ce que le mystère de Dieu sera-t-il terminé? Et puis nous allons ensemble, écho. La question est posée. Nous allons ton ami. Trouverai-je la foi? Dans les mêmes ordres d'idées. La question change de forme. Est-ce que Malachie 4 sera accompli en cet temps-ci? Malachie vous comprenez mieux. Et que vous puissiez la tâme, moi, vous ramenez la foi des enfants. La foi des frères. L'originel. La parole. Question. Est-ce que Malachie 4 5 à 6, verset 5 ici. Mais la parce que c'est Malachie 4 qui doit ramener cette foi. Parce que Malachie 4 qui doit ramener cette foi. Donc sans Malachie 4, Malachie 4, le fils de l'homme ne trouve pas la foi. Amen. Il faut passer par Malachie 4. Passage obligé. L'Écriture l'a dit, le prophète de l'annonce encore dit. Amen. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir. Oh, yes, tout qui se fait. Dieu a parlé anciennement. Oh, la bouche de ce ancien prophète. Il doit rester au ciel. Et c'est là, après la boule. Mais si il doit trouver la foi, Malachie 4 doit le préciser. Le message de Malachie 4 doit être apporté. Sango, il y a Malachie à nous, et il y a pour but. Et dans la foi ramener la foi des enfants, mais ma pas à la foi des pères. Amen. Amen. Alléluia. Et lorsque Malachie 4 4 sera accompli. Les gens de cette époque-là croiront-ils que celui cela bato. Reconnaîtront-ils que celui ce qui s'accomplit? Est-ce tout le monde qui va reconnaître que ça? Est-ce la majorité des églises qui va croire? Dieu, il est un sélectionneur. Ici dans vos pays, vous avez des sélectionnaires nationaux. Qu'on a appelé coach national. À l'échelle universelle. Et dans les royaumes spirituels, Dieu est lui-même le sélectionnaire. Triage. Tu t'appelles croyant, oui, mais c'est lui qui suscite la foi. Que chacun s'examine ses problèmes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Yamba bondima, aussi mon yamba il est mon santo. La question vient toujours. Parce que la manière dont Dieu approuve la foi, c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour la nécessité de Jésus-Christ. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Que mon ensemble de ce qui colère pêche sur la terre. Parmi les hommes que Dieu agrée. Oh, ma femme, frère et soeur, j'en suis fils. Tant que Dieu ne t'a pas agréé. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Pourquoi t'as pas mis le sur la route? Ni repas au corps. Cherchez le baptême La foi ne sera pas dans la résurrection d'un élément. Ne sera pas dans l'enlèvement. Donc tous les bruits que tu fais là, c'est inutile. Mais quel est le bruit que tu fais là, Tu connais mon quelle est la femme? Voilà, tu es un crayon. Tu n'es même pas un crayon. Tu es un crayon. Voilà ce qu'il fait. Tu dois changer. Et Dieu est ici pour toi. Si tu veux accepter ça. Hein? Ne bombe pas les temps. Mais lui, il dit ça. Frère Brenham dit que l'évangile n'a pas été donné pour être discuté. L'évangile a été donné pour être appliqué. Nous ne sommes pas là à discuter. Ne parlez pas de ça. Pourquoi ça t'a fait? Oh, Répentez-vous et croyez à moi. Parole du Seigneur. Marc 1, verset 14 et 15. Le temps est accompli. Répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Arrêtez le foutaise là. Paragraphe 131. Réprouvez. Janès et Jambres. Regardez la vérité sur l'appel au ministère. Les assemblées même du message. Et ceux qui font ces choses, ce sont des réprouvés. Vous voulez dire qu'après qu'un homme prêche, il doit entendre la voix de Dieu. Mais le message, c'est ça. L'église, c'est ton foyer. L'église appartient au Dieu vivant. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile. Nous pouvons faire un petit peu de temps, madame. S'il a rencontré le Seigneur pour lui. Sauf qu'il a coupé ni dans sa corps le carbone. Et qu'il ait entendu la voix de Dieu lui parla. Et puis, ailleurs que nous m'avons dans le corps, il est caillé. Ne changez pas ça. Comment vous réprouvez dans les derniers jours, c'est réprouvé. Ils feront ce que Janès et Jambres, les magiciens, on dit que le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien déterminée. Ceux qui l'ont reçu, ils savent à quelle heure c'est venu. Mais c'est ce que cela a fait. Mais toi, tu viens, tu commences à faire. Oh non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il cherchez l'expérience bien déterminée. Tu ne veux pas l'idée qui prendra un sol en unité. Au moins, c'est quoi seulement que je l'ai. C'est un bien. Tu l'as laissé quand vous voyez bien vous savez vous n'avez pas de question là vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous n'avez pas de question réprouvé vous pendant vous troublez vous résistez. Amen. Opposez-vous à ces choses. Collaborez avec ceux qui soutiennent la vérité. Vous voulez faire quoi? Soyez sur vos gardes. Nous sommes dans un combat. Et c'est pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Mais l'Écriture a promis que ces réprouvés-là viendraient dans le monde. Pour s'opposer à la vérité. Et vous devez vous opposer à elle. Opposez-vous à quiconque s'oppose à la vérité. Tous les esprits doivent se soumettre. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'une seule vérité de Dieu. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Nous ne voulons pas de confusion. Vous voyez? De même. Dans les derniers jours, ces mêmes réprouvés viendraient. Maintenant, vous voyez ce qu'il a dit ici. Ayant l'apparence de la piété. Mais ouais. J'ai déjà une onction. Maintenant, on va juste revenir là-dessus. Et lisez-les quand vous rentrez chez vous. Ça, je vais pouvoir terminer ce matin. Si vous retrouvez en ce qui concerne pas réprouver dans leur vie, ce sont des hommes bien cultivés. Mais en matière de la foi, déclassez. Que Dieu aide mon frère et ma soeur. On a la cravate bien. Il y a mon nez au talaga. Au cravate, il y a un gagné n'a pas de l'âge. Il y a du modélisme. Il y a des habitants. Il y a du modélisme. Il y a pour la nouvelle naissance. Et tu dois détester ta propre vie. Porter ta croix. Mettre Christ en premier. Au-dessus de toutes les priorités générales. Alors, pendant que tu es sur Christ, le Fils de l'homme a déjà été manifesté. Et le ministère qui était en lui a opéré sur cette terre. Et poursuit son œuvre maintenant. Christ. Nous devons atteindre la stature de l'homme parfait. C'est le programme de Dieu qui nous sacrifient. Pas le programme des églises. Pour organiser les anniversaires. La perfection. Le pasteur va dire la m'a vous sommes là, vous êtes complets, et ça nous donne les versets. Nous sommes là, nous sommes là, nous église ensemble, nous sommes là, complets à Pembe. Trois pièces. Na cravate. Il y a un homme avec des pieds, avec moi, c'est là, madame chérie, et nous sommes là, c'est là, nous sommes là, c'est ça la perfection qu'on entend. Dès que vous me mettez, c'est là. On ne doit pas perdre le temps précieux de la famille. Pour les histoires, jamais respectées. Bon, voyez, mais la gâche, c'est quand je vais y aller, la gâche, c'est la gâche, c'est ça la perfection. Les dénominations organisent les théâtres, les scénettes dans l'église, les assemblées, mais ça, sont allés dans cette voie-là. On s'en fout. Sonnez-le. Vous êtes en train de détruire les cloches du métal. Vous allez couper de sa peine d'abord. Dieu vous jugera sévèrement. Dame la question de sa peine au pénama. Si vous n'êtes pas appelé à prêcher l'évangile, asseyez-vous. Vous ben n'en dites pas tant. Maintenant, vous êtes bien appelé à faire son travail. Si quelqu'un d'abord, vous ben n'en dites pas tant. Ok. Vous croyez la vérité? Amen. Après avoir dit au verset 5, dès qu'on est examinez-vous. Comment vous êtes dans la foi? Après avoir dit ça, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons nous que pour la vérité. Nous ne sommes pas des réprouvés, mais des réprouvés. Nous sommes des croyants qui combattons pour la foi. Par la grâce de Dieu, nous reconnaissons que dans nos cœurs, nous n'avons qu'une petite foi. Mais alors auprès du Seigneur, qui donne la foi pour qu'il guérisse notre maladie. Il est le grand chirurgien de la foi. Le chirurgien, le grand opérateur. Il sait comment la susciter, comment l'édifier, comment augmenter, comment la croître, comment la guérir les malades. Le grand médecin est ici. Allons à lui. Je ne veux pas m'éterniser ici à Mais je veux que tu parles à ton Dieu maintenant. Avec foi. Parce que Malachi 4 est promis. Malachi et Nakamaki. Donc l'unité de la foi est possible. Mais moi, n'importe quelle foi. Et ça, quand il m'a dit la foi qui restaure Malachi 4. Quand il m'a dit Malachi, il m'a dit que c'est pas de sa dénominationnelle, c'est la machine. Quand il m'a dit non, il y a des bons seigneurs. Mais voyez ce qui veut se multiplier. Et ça, quand il m'a dit, il y a un office pour le programme de Dieu. Il devait restaurer la foi. Et c'est cette foi-là. Quand il m'a dit, il doit former l'unanimité dans l'église, épouse. Oui, quand vous savez, moi, la foi biblique condimaye bibili oye soni sabi fondamental oye moboko et puissante oye nguya agissante oye riko sala c'est naturel oye mokilo en ce temps ici na sambo pour une race royale la superation la postérité de la foi d'Abraham qui doit être accompagnée des signes surnaturels. Chacun individuellement surnaturel dans les programmes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te secoue. Que Dieu te réveille. Que Dieu te réveille. Que ressuscite la vie du péché. Que Dieu te libère de la vie de la honte. Que sa gloire rayonne autour de toi. Que sa lumière brille dans ton âme. Nous allons prier maintenant chacun. Monte-Peli, Namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo tema, namo Avec conviction du cœur, avec du zèle et la détermination, il parviendra par sa grâce. Il atteindra cette perfection. Il est ici pour te chercher. Prions chacun. Oh, no. Par la foi dans sa vérité. Lorsque Dieu restaure ta foi, qu'il ressuscite la foi en toi, qu'il l'élève à un niveau bien haut, et une foi que lui approuvera. La foi surnaturelle. Pour croire aux choses surnaturel, les possibilités illimitées, la manifestation des impossibles, le renversement des montagnes, la victoire sur toutes les épreuves, dans chaque bataille à livrée, être plus que vainqueur. Que Dieu soit avec toi. Père céleste, Dieu de sainteté. Nous n'étions pas venus dans un marché de produits avariés. Nous ne sommes pas venus pour rester stationnés. Mais nous sommes venus pour te rencontrer et pour progresser. Père Dieu, sa sainte face, qui nous a accueillis. Oh, qui sommes-nous? De pauvres pécheurs, des égarés, des indignes, à qui ta grâce a été manifestée. Pour connaître toi. le peu que nous connaissons. Alors que nous avons un Dieu omniscient. Toi, le tout grand. Toi qui sais tout. Accueille nos prières. De mon frère. De ma soeur. L'église. Ici et à distance. Remplis les cieux et la terre. Rien n'échappe à ton pouvoir. Après avoir versé le sang, payez le prix de notre rachat. Oh Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux. Incomparable. Béni de confiance. Que ton nom soit élevé. Contre tous les programmes des démons. Petit sorcier. Du talisman. Qu'est-ce que ça représente? Tu es le tout grand. Le souverain des cieux. Le roi éternel. Dieu invincible. Immuable. Nous nous attacherons à toi. Amen. Suscite la foi. Mène-la à la perfection. Agrée mon frère. Agrée ma soeur. Dans la foi restaurée. Donne-nous la foi authentique. Débarrasse-nous de tout ce qui est la foi. Que le grand Marie-Saint-Jérémie. Au nom de Jésus-Christ. Visite nos maisons. Visite encore nos familles. Prenez les chans de papa qui est là. Il y a beaucoup de chans de papa. Amen. Nous arrivons à l'état terminal par la grâce de Dieu. Non, vous n'avez pas besoin de. Merci mon Dieu.